Oui, Chitty, le soir. Lorsque les bafouiches doivent dormir, le service électricité de la ville baisse l'intensité des lampadaires et la lumière devient tamisée. Lorsque vous vous promenez à Wish City la nuit, vous apercevez des ombres gigantesques avant de rencontrer enfin le gnome qui la projette. On a appelé ça la nuit. La nuit, les bafouiches deviennent grands. Ça vaut aussi lorsqu'ils boivent. Ils voient tout différemment avec de la bière de roche dans le sang. Squeak ! Hé, Squeak ! Ça va pas te partir de barre de spoon comme ça ? Comme un voleur ? C'est à moi que tu dis ça ? Et les bières que tu lui dois ? Il m'a dit que sa mère allait les payer. Booze, c'est mon pote, mais il est un peu con. Marche moins vite ! J'arrive pas à te suivre ! Tu veux aller où comme ça, hein ? Tu rentres pas chez toi quand même, non ? Non, je vais à la galerie Est. Booze s'est arrêté. Il a dû me regarder m'éloigner avec ses grands yeux ahuris. La galerie Est ? Mais faut pas y aller à la galerie Est ! Hé, Squeak ! Ils l'ont bouché, la galerie Est ! La galerie Est. Le grand dirigeant voulait la boucher. Comme tout creuseur, je creuse sans réfléchir pour faire place nette, pour agrandir des cavités, en faire des grottes gigantesques. Et ensuite, les bâtisseurs construisent pour agrandir notre ville. Wish City. C'est ce qui aurait dû se passer pour la galerie Est. Si ce n'était ce très léger incident où un morceau de la taille d'un building s'était détaché du grand plafond pour écraser une centaine de creuseurs en pleine action. Et du trou béant laissé dans le grand plafond apparaissait un autre grand plafond, plus haut encore, lumineux celui-ci. Et avec l'étrangeté de paraître vivant, des lumières bougeaient là-haut sur ce grand plafond noir. Plus noir que la roche brune que nous creusions depuis des millénaires. Tu vas quand même pas aller dans la galerie, Squeak ? Je suis essoufflé, va moins vite ! On prend ton chariot, mon chariot ? Quoi ? Tu veux que je vienne en plus ? Ah, c'est toi qui choisis, mais vu que tu me suis depuis le bar de chez Spoon, j'en ai vite déduit que tu voulais m'accompagner. Écoute... On devrait pas, c'est pas bien. Je veux voir le grand plafond. Bah, lève la tête, quoi. Non, l'autre, le nouveau, celui de la galerie Est. Je sais pas ce que c'est, Booze, mais je dois savoir. Allez, aide-moi à pousser ton chariot sur les rails. Mais, si quelqu'un nous voit... Ils dorment tous. Regarde autour de toi, la moitié des lumières sont éteintes. C'est le moment ou jamais. Avec un peu de chance, ils n'ont pas eu le temps de tout boucher. Bon. Allez, grimpe, gros lourdeau. Nous sommes partis. Traverser Wish City en chariot est une expérience particulière. Très vite, on survole les divers buildings, zigzagant entre les édifices au gré des rails surélevés. Et les lignes de métro aérien se croisent parmi les rails destinés aux chariots personnels. Pour se diriger, c'est relativement simple. On pousse le chariot, les roues frottent, l'électricité est comme happée par le chariot, et le véhicule s'embarque sur les rails pour une folle virée. Il suffit de pousser un simple levier pour actionner les palettes de frein. Pour changer de direction, rien de plus simple également. À chaque échangeur, le pilote ou l'un des passagers actionne un second levier et les roues tournent à droite ou à gauche. On ne peut pas reculer en chariot. On ne peut pas rester coincé au milieu d'un rail. On ne peut que quitter le rail et se planter dans le décor. Voyager en chariot à Wish City, c'est simple. Et s'ils ont fermé la ligne, hein ? Et si avec le chariot, on se plantait contre une pancarte d'interdiction ? Ah, comment on fait, hein ? D'énormes panneaux lumineux abreuvaient la vie nocturne de la cité de milliers de publicités. Ces panneaux étaient reliés à Wish TV, la seule et grande télé de Wish City. Même en sortant de chez soi, même en coupant la télé, on ne pouvait échapper à la publicité. On ne pouvait échapper à la consommation. En passant près d'un panneau, j'ai comme eu une brusque envie de m'acheter une table allongée. Même si pour le moment je n'en avais pas besoin, ça pouvait toujours servir. C'est ça la publicité à Wish City. Alors, ça a l'air bouché ? Bon, d'accord, le tunnel n'est pas bouché. Mais l'entrée de la galerie, là, elle... À une vingtaine de mètres devant nous, au bout du rail, un amas de pierres comblait ce qui avait été ce matin encore l'entrée de la galerie Est. Là où depuis des mois, tous les creuseurs de Wish City s'escrimaient à préparer le terrain pour que les bâtisseurs érigent les nouveaux quartiers de la ville. Fren ! Fren ! Je fais que ça ! Le levier, il ne fonctionnait plus. J'avais beau le tirer vers moi, les plaquettes de frein ne répondaient plus. On va se manger le mur ! On va se manger le mur ! C'est con, j'ai pas faim ! Booze, il y a des pioches dans ton chariot ! Juste une ! Donne ! Booze m'a aussitôt tendu une pioche. Tu crois que c'est l'heure de creuser ? Ce n'était pas l'heure de creuser, non. J'ai pressé la tête de la pioche contre une des roues, appuyant aussi fort que je pouvais. J'ai dû fermer les yeux pour éviter les étincelles qui éclataient ici et là sous le frottement de la pioche contre la roue. Le chariot a commencé à se soulever d'un côté. On va tomber ! Le mur se rapprochait. On va s'écraser d'abord, et ensuite on va tomber ! Le mur se rapprochait.